إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui c'est le cours 128 dans l'explication du kitab al-Tawhid et on est au chapitre 51 aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans l'explication du chapitre 51, je voulais juste mentionner quelques points par rapport au chapitre qu'on a fait la semaine passée, le dimanche. C'est juste pour dire, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a mentionné par exemple une faïda au sujet de, c'est-à-dire un point bénéfique au sujet de la question de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans le fait qu'il nous donne des enfants. Et il mentionne trois points. Il dit le premier point, أن يعتقد أن هذا الولد من الولي أو الصالح الفلاني هو الذي أتاه أتى به إليهما فهذا الشرك أكبر لأنه أضاف الخلق إلى غير الله. Donc le premier exemple de forme de shirk dans la question des enfants, c'est la question, le premier point. Celui qui dit par exemple que il a eu un enfant à cause d'un saint, un saint en particulier, ou à cause d'un homme pieux. Hein, il est allé à sa tombe, il a demandé à un saint ou à un mort de lui donner un enfant, il a eu un enfant, donc il attribue cet enfant-là à ce saint-là, ou à cet homme pieux-là qui est mort, ou bien à une statue ou à une idole. Donc ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir quelqu'un de l'islam, parce qu'il a attribué à Allah le pouvoir et l'attribut de créer. Le deuxième point, c'est « أَيَعْتَقِدْ أَنَّ الْوَلَدْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلَكِنْ يُضِيفُ أَسْبَابَ وَقَيَتِهِ وَسَلَامَتِهِ إِلَى الْأَطِبَّاءِ وَإِرْشَادِهِمْ » نعم, فيقول سلم هذا الولد بسبب الأطباء وغير ذلك, أو لأن القابلة امرأة متقنة جيدة. هذا نوع من الشرك, لأن وإن كان لا يصل إلى الشرك الأكبر. Donc la deuxième catégorie de shirk à ce sujet-là, c'est lorsque quelqu'un il croit que l'enfant c'est Allah qui l'a donné, sauf que il dit que la raison pourquoi l'enfant a été en bonne santé et a été correct, c'est à cause des médecins et à cause des bonnes indications des médecins, ou à cause de la sage-femme ou la femme qui a fait l'accouchement, elle était une femme qui connaissait bien ça, donc à cause de ça l'enfant était bien sorti, ainsi de suite. Donc ça c'est une forme de shirk, mais malgré que c'est pas une forme de shirk majeur, c'est une forme de shirk mineur. Et le shirk il donne comme troisième exemple, أن يكون بهذا بأن هذا الولد أن يؤمن بأن هذا الولد خرج سالما برحمة الله وفضله ولكن يشرك به من ناحية العبادة فيقدم محبته على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il donne un autre exemple qui rentre dans le shirk également, c'est par exemple la personne qui a un enfant et il croit que cet enfant est sorti là et est sorti à cause de la est sorti en bonne santé à cause de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Toutefois il fait le shirk d'un autre point de vue, c'est-à-dire il fait le shirk dans le fait qu'il aime tellement son enfant que son enfant le distrait de l'adoration d'Allah. Donc ça, ça rentre dans une forme de shirk, sauf que bien entendu, c'est pas une forme de shirk majeur. Ok? C'est aussi une forme de shirk mineur. Wallahu a'lam. Et au sujet de la question de qu'est-ce qu'on avait mentionné la dernière fois, par rapport à l'histoire qui était attribuée à Adam et Ève, dans le verset فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit que cette histoire-là, elle est fausse de plusieurs points de vue. Premièrement, l'histoire, elle n'est pas authentique. Elle n'est pas authentiquement rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, des choses de ce genre ne peuvent être rapportées que en se basant sur la révélation, et il n'y a pas de hadith authentique à ce sujet-là. Comme Ibn Hazm l'a dit, c'est une khurafa, makzouba wa mawdou'a. C'est une superstition, une fausse parole qui est mensongère et qui est fausse et fabriquée. Comme deuxième point, il a dit, si Adam et Ève auraient commis ce péché-là, eh ben, il aurait fallu qu'on mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala aurait mentionné qu'ils se sont repentis de ce genre de péché-là. Et donc, étant donné qu'ils ont fait un péché, une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a mentionné qu'ils se sont repentis, donc quelque chose qui est plus grave encore, comme par exemple le shirk. Mais comment ça se fait qu'on mentionnerait leur shirk, mais on mentionnerait pas leur repentance? Donc ce serait contradictoire. Comme troisième point, il dit, on peut pas accepter qu'un prophète ait commis le shirk, parce que c'est quelque chose dont les prophètes sont protégés, sont infaillibles de tomber dans ce genre de péché-là. Et même si le Cheikh Al-Fawzan, lui, il dit que non, c'est une forme de shirk mineur, et que ça peut arriver parce que ça fait partie des péchés, bien entendu, lui, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit non, même le shirk mineur, d'après ce qu'on peut comprendre, on ne peut pas l'attribuer aux messagers, aux prophètes, yani, à moins que le Cheikh Ibn Uthaymeen, quand il parle de cette forme de shirk-là, lui, il parle du shirk majeur seulement. Hein, et qu'il voudrait dire que ce ne serait pas possible de l'attribuer au prophète, seulement si c'est un shirk majeur. Wallahu a'lam. Mais il mentionne un autre exemple, que lorsque les gens vont arriver au jour du jugement dernier devant les prophètes, tous les hommes vont aller vers Adam en premier, hein, pour demander l'intercession, et puis ils vont aller voir les autres prophètes, et chacun d'entre les prophètes vont dire non, demande à un autre, parce qu'il va mentionner un péché qu'il avait fait, hein. Et donc ça veut dire que oui, le chef il dit, les prophètes ont, c'est possible que certains péchés soient arrivés de certains prophètes, mais ce sont des péchés mineurs, ou ce sont des petits péchés par rapport au shirk, d'accord. Donc le chef il dit, لو كان وقع منه شركا لكان اعتذاره به أولى وأحرى. Si il aurait fait vraiment commis le shirk, eh bien, il aurait pu utiliser, Adam aurait pu utiliser ce péché-là comme excuse pour ne pas accepter de faire l'intercession pour les croyants au jour dernier, plutôt que de mentionner uniquement l'exemple du fait qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et comme quatrième point, wa alaykoum salam, comme quatrième point, il mentionne que le shaitan est venu puis il leur a dit, c'est moi le shaitan, c'est moi qui vous a fait sortir du paradis. Donc Ibn Uthaymeen, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, si quelqu'un, si l'Iblis il vient et puis leur dit ça, eh bien c'est pas logique, parce que c'est normal qu'ils vont pas l'accepter, ils vont pas croire en lui, puisqu'il vient directement leur dire qu'il vient les égarer. Puis il dit également que la menace du shaitan, quand le shaitan il dit je vais faire sortir le bébé avec des cornes, il va lui déchirer le ventre. Il dit, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh, eh non, c'est pas de problème. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, ça c'est quelque chose que le shaitan n'est pas capable de faire. Et il n'est pas possible, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il n'est pas possible que Adam et Ève croient en ces paroles du shaitan, hein, et qu'il croit qu'il a ce pouvoir de faire ça. Parce que bien entendu, ça c'est une forme de shirk dans Ar-Rububiyya. de croire que quelqu'un peut avoir le contrôle dans ce genre de choses. Non. Et ensuite, le chef il mentionne comme un autre point, أن الله ذكر في آخر الآية ضمير الجمع. Il dit que le chef Ibn Uthaymeen, que Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, il mentionne le pronom pluriel, c'est-à-dire عما يشركون. ولو كان المراد آدم وحواء لقال عما يشركان أو عن إشراكهما. Donc, وليس المراد في آدم وحواء. Donc, il dit que le pluriel est utilisé amma yushrikun, de ce qu'il lui associe, et non pas le duel, et donc ça c'est la preuve que ça ne s'applique pas à Adam et à Ève. Donc comme vous voyez, il y a des divergences là-dessus, hein, et chacun des ulama, ils ont leur position et leurs arguments. D'accord? Donc c'était juste pour clarifier ça, et pour montrer que il y a des ulama qui disent autrement que la position du cheikh Ibn Uthaymeen, du cheikh Fawzan, et qui font partie également des grands ulama de l'islam, qui sont sur la voie des salaf. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va commencer tout de suite dans le dars d'aujourd'hui. C'était juste un rappel à propos du cours dernier, dimanche passé, pour clarifier certains points qu'on n'avait pas clarifiés la dernière fois. Et le cheikh, il commence, on est dans le chapitre 51. Le cheikh, il dit dans ce chapitre, Babun, qawlullahi ta'ala, wa lillahi l'asma'ul husna fad'uhu biha, wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih, wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujzawna ma kanu ya'malun. Ce chapitre, donc, c'est l'explication du tafsir au sujet du verset 180 dans Surat Al-A'raf. Donc dans ce chapitre, dans ce verset, Allah il dit, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Et laissez ceux qui profanent ses noms, ou qui déforment le sens de ses noms, ou qui nient ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc, on va lire maintenant, après le cheikh, il mentionne, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne des exemples des tafsirs de ce verset. Il dit, ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس يلحدون في اسمائه وعنه سموا اللات من الاله والعزى من العزيز وعن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها. Donc Ibn Abi Hatim, il rapporte selon Ibn Abbas que « yulhiduna fi asma'ihi », c'est-à-dire il profane ses noms, ou bien il déforme ses noms, ou ainsi de suite. Ça, la signification de « yulhiduna fi asma'ihi » en arabe, ça veut dire qu'ils appellent, à partir des noms d'Allah, ils forment des noms qu'ils donnent à leurs idoles. C'est-à-dire les noms qu'ils donnent à leurs idoles, c'est des noms qu'ils ont extraits des noms qui sont à la base des noms d'Allah. Comme par exemple, Al-Lat, ils l'ont pris de Al-Ilah, c'est-à-dire celui qui est adoré ou celui qui est la divinité. Le nom Al-Uzza, ils l'ont pris du nom Al-Aziz, c'est-à-dire le Tout-Puissant. D'accord? Donc, et Al-A'mash, lui, il explique que Yulshiduna fi asma'ih, ça veut dire il entre dans ses noms ce qui n'en fait pas partie. Ils mettent dans les noms d'Allah ce qui ne fait pas partie des noms d'Allah. Donc, on va lire maintenant le chapitre à ce sujet. Les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Il dit « هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد من أجل بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته ومن أجل أن يبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. لأن مسألة التوسل ضل فيها خلق كثير من قديم الزمان، فالمشركون يعبدون غير الله ويسمون معبوداتهم وسائل إلى الله، وسائل إلى الله، فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم لا يعبدون هذه المعبودات لذاتها، لأنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما زعموا أنها تتوسط لهم عند الله عز وجل من باب الوسيلة فرد الله تعالى عليهم في القرآن بأن هذا التوسل وهذا العمل كفر وشرك وأنه لم يشرعه الله لعباده سبحانه وتعالى وجاء من بعدهم من القبوريين أو جاء من بعدهم القبوريون والصوفية ومن قبلهم الرافضة والباطنية كلهم نحوا هذا المنحى الذي نحاه المشركون فصاروا يعبدون الموتى ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكننا اتخذناهم وسائل بيننا وبين الله وربما يحتجون بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فظنوا أن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها إليه أنها جعل وسائط بينهم وبين الله وهذا فهم باطل لم يرده الله بل أنكره على المشركين وحكم بأنه كفر وأنه شرك ونزه نفسه عنه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون وقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وبين أنه كفر وأنه شرك ونزه نفسه عنه فهو لم يشرع لعباده أبدا أن يجعل بينه وبينهم وسائط من الخلق يبلغونه حاجات عباده وإنما أمر بدعائه مباشرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم donc le chef il explique ici que le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit ce chapitre dans Kitab al-Tawhid pour expliquer une chose et pour expliquer parmi les choses qu'il voulait expliquer dans ce chapitre c'est que c'est obligatoire pour nous d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et également il a mentionné ce chapitre là ou il a écrit ce chapitre dans le livre pour clarifier que le tawassul il faut expliquer pour clarifier qu'il y a deux catégories de tawassul, une catégorie qui est permise et une catégorie qui est interdite. At-tawassul, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres cours, dans le livre qu'on explique maintenant, dans des cours passés on en a parlé, c'est de chercher un moyen pour arriver à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par exemple, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on peut faire le tawassul en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs, ou bien par une bonne action qu'on a faite, ou des choses de ce genre. Donc on va mentionner des exemples de ça. Et tawassul, c'est de chercher un moyen. Et le cheikh, il va l'expliquer en détail, il va donner la définition, puis les exemples, puis tout ça. C'est juste pour vous faire voir en partant, là, pour pas que vous soyez trop perdus avec le mot tawassul. Hein? Ça vient de wasil, hein, qui veut dire un moyen. Hein? Et puis donc le cheikh il dit que la question de tawassul, il y a beaucoup de gens qui se sont égarés à ce sujet-là. Comme par exemple, le cheikh il va mentionner des exemples de ça encore, donc je ne veux pas trop donner des indices tout de suite, puisque le cheikh va en parler dans quelques instants. Donc le cheikh il dit, il y a beaucoup de gens dans le passé, de même qu'aujourd'hui, qui se sont égarés au sujet du tawassul. Donc les mushrikoun, qui adoraient les idoles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils adoraient autre que Allah, parmi les idoles qu'ils adoraient, ils disaient que ces idoles-là étaient des moyens pour eux d'arriver à Allah, comme des intermédiaires, comme des intercesseurs. Ils n'adoraient pas ces idoles-là pour elles-mêmes ou directement, mais ils les prenaient comme des moyens pour se rapprocher à Allah. Enfin, ils disaient, on sait que c'est pas ces idoles-là qui sont les créateurs de l'univers, les maîtres de toutes choses, mais on les utilise pour se rapprocher à Dieu. Et le cheikh, il mentionne des preuves de ça dans le Coran, le verset 3 dans Surat Az-Zumar, et il mentionne également le verset 18 dans Surat Yunus, hein, le verset 3 dans Surat Az-Zumar, Allah, il dit, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et dans le verset 18 dans Sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les, leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc, le cheikh il dit, ils n'adoraient pas ces idoles pour elles-mêmes, mais ils faisaient en sorte qu'elles transmettent à Dieu leurs prières, ou qu'elles soient des moyens pour approcher Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ne les adoraient pas elles-mêmes, pour elles-mêmes, et ils savaient très bien qu'elles n'avaient rien créé, qu'elles ne donnaient pas la subsistance, et qu'elles n'avaient aucun pouvoir de faire vivre ou de faire mourir. Ils croyaient uniquement qu'elles étaient des intercesseurs ou des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de chercher un moyen pour se rapprocher à Allah. Et Allah les a réfutés à ce sujet-là dans le Coran, et Allah leur a clarifié que le tawassul, بأن هذا التوسل وهذا العمل كفر وشرك. Allah leur a expliqué que cette forme de tawassul-là, ce genre de moyen-là qu'ils utilisent pour se rapprocher d'Allah, c'est kufr et c'est shirk. C'est pas permis, c'est une forme de mécréance, une forme d'idolâtrie. Et que Allah ne l'a pas légiféré à ses serviteurs. Puis, sont arrivés, après les mouchriquins, sont apparus parmi les gens qui se disent musulmans, des gens qui adorent les tombes, parmi eux, les soufis. Et également, avant eux, avant les soufis, il y avait les rafidas, parmi les chiites, et les bâtonniers aussi, qui font partie aussi des chiites, des sectes, des garments, parmi les sectes des chiites. Donc, ils ont tous suivi cette voie que les mouchriquins ont suivi auparavant. Donc, ils ont commencé à adorer les morts et à chercher l'intercession et le secours des morts et de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils vont à leur tombe, à la tombe de ces hommes qui sont morts, et ils égorgent pour ces hommes morts des pieux, des offrandes, et ils sacrifient pour eux, ils égorgent des animaux pour ces hommes pieux-là, ou ces hommes morts-là, à leur tombe, et ils font des vœux pieux pour ces hommes pieux-là également. Ils font des vœux pour eux, et ils leur demandent par exemple, si tu m'exauces mon doua ou ma demande, je vais t'égorger un mouton, ou je vais t'égorger quelque chose l'année prochaine, ou ainsi de suite. Donc ils font des serments ou des vœux à ces tombes-là. Et ils disent que on sait très bien que ces êtres-là sont des créatures, et qu'ils ne créent rien, et qu'ils ne donnent pas la subsistance, mais on les prend uniquement comme des moyens entre nous et Allah, et des intermédiaires entre nous et Allah. Et ils se basent par exemple sur des versets comme le verset dans Sourate Al-Isra, le verset 57, qui dit « Ceux-là qu'ils invoquent, ils recherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher à leur Seigneur. » Donc c'est-à-dire que, comme on l'a expliqué dans des chapitres précédents, il y avait des chapitres même spécifiquement sur ce sujet-là, ils pensent que ils prennent pour intercession les hommes pieux, alors que les hommes pieux eux-mêmes demandent directement à Allah, et ils sont morts dans leur tombe, ils craignent leur jugement, au jugement dernier, et ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes, encore moins pour les autres. Alors comment vous les invoquez et vous leur demandez d'intercéder pour vous au jugement dernier, ou bien de vous aider dans cette dunya ou au jour dernier, alors qu'eux-mêmes ils ne peuvent rien faire pour vous, et qu'ils cherchent eux-mêmes un moyen pour se rapprocher à Allah. Donc c'est une contradiction de leur part. Et ils mentionnent aussi le verset 35 dans Surat Al-Ma'idah, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez un moyen vers lui, un wasila vers lui. » C'est-à-dire, et donc, et jahidou fi sabili, et lutter dans son sentier pour que vous ayez le succès. Donc ils ont cru que le wasila, de prendre un moyen pour aller à Allah, c'est en prenant entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est faux, comme le cheikh le dit, ça n'a jamais été mentionné par Allah. Et en fait, même Allah a dénoncé cette attitude-là de la part des gens qui font le shirk parmi les mouchriquins, et il a décrété et jugé à leur sujet que ce qu'ils font est une forme de kufr et de shirk, et Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié lui-même de ces actes-là, en disant Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, en disant dans le verset 18 dans Surat Yunus, que Allah soit purifié et exalté de ce qui lui associe. Et il a mentionné également dans le verset 3 dans Surat Zumar à la fin, Allah ne guide pas celui qui est négateur et menteur ou mécréant et menteur et mécréant. Donc, c'est la preuve que Allah a appelé ces attitudes-là des actes de kufr et de shirk. Et il s'est purifié de ceux qui font ce genre de choses. Et Allah n'a jamais légiféré, hein, à aucun moment, qu'on puisse prendre un intermédiaire entre nous et lui dans l'adoration pour que cet intermédiaire transmette à Allah pour nous nos besoins. Et ça, bien entendu, c'est totalement faux. Quand Allah nous demande de l'adorer et de l'invoquer dans le Coran, il nous demande de l'adorer directement et de l'invoquer directement et de ne pas passer par des intermédiaires. Et il mentionne le verset 60 à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Ghafir, et votre Seigneur vous dit, ou votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Donc ça c'est la preuve. Ensuite il mentionne un hadith, le Cheikh, et il dit, وَيَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبُ لَهُ وهل من مستغفر فأغفر له فأمر بدعائه واستغفاره مباشرة وسؤاله مباشرة لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى يعلم أحوال عباده لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إنما تتخذ الوسائل والوسائط عند من لا يعلم عند من لا يعلم أحوال الناس أو عند من لا يعلم أحوال الناس ولا يعلم أحوال الرعية من الملوك والرؤساء ومن البشر الذين تخفى عليهم أحوال الرعاية وأحوال الناس وحاجات الناس ويحتاجون إلى من يبلغهم أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويسمع السر ويعلم ما في القلب ولو لم يتكلم الإنسان فهو ليس بحاجة إلى اتخاذ مبلغين ومتوسطين بينه وبين عباده. لشيخ الزي كالله سبحانه وتعالى dans le hadith qui est rapporté authentiquement par Al-Bukhari et Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend à chaque tiers de la nuit, chaque dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au plus bas des cieux, et il demande à ses créateurs, qui est-ce qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne, ou qui est-ce qui veut me demander quelque chose pour que je lui donne, ou qui est-ce qui veut m'invoquer pour que je l'exauce, ainsi de suite. Donc, ça, il y a dans ce hadith un ordre qui nous montre que Allah, il veut qu'on lui demande pardon directement, sans intermédiaire. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au verset 7 dans Surat Taha, il dit يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Il connaît le secret et أَخْفَى. Il est encore plus secret, encore plus caché. Hein? Ben, si par exemple tu calcules à partir du coucher de soleil jusqu'au lever de l'aube, tu calcules le nombre d'heures, puis tu divises ça par 3. Puis la dernière partie, le dernier tiers, c'est la dernière partie. Après le Maghreb, oui. Oui, si tu le fais une heure avant Fajr, c'est sûr que tu rentres dans ça. Oui, c'est sûr que tu rentres là-dedans, Inch'Allah. Donc, ensuite, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la situation de chacun de ses serviteurs. Et il connaît, il n'y a rien qui est caché de lui, dans les cieux ou sur la terre, et rien qui peut se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Ça c'est clair. Donc le cheikh il dit, qui est-ce qui prend des intermédiaires? Qui est-ce qui prend des moyens ou des intermédiaires comme ça? Yani, c'est celui qui ne connaît pas la situation des gens, qui ne connaît pas leur état, hein, ou l'état de ses fidèles, ou de, pas de ses fidèles, de ses sujets, comme par exemple les rois et les dirigeants. Les rois et les dirigeants, ils ne connaissent pas l'état de chacun parmi les habitants de son pays. Il a besoin de gens qui vont venir lui parler d'eux et venir leur dire de quoi ils ont besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à ce genre de personne yani, qui est ignorante et qui est limitée et qui a besoin des autres. Allah, lui, il n'a pas besoin des autres et il n'est pas limité comme les créatures, comme les êtres humains. Donc, le cheikh, il dit donc que Allah, lui, il n'y a rien qui est caché de lui, comme on a dit tout à l'heure. Tandis que les créatures, il y a beaucoup de choses qui sont cachées d'eux, hein, beaucoup de choses qu'ils ignorent de la situation des gens, et donc ils ont besoin de gens pour leur transmettre ces choses-là. Tandis qu'Allah, il n'y a rien qui est caché de lui dans les cieux et sur la terre, et il connaît toutes choses, il entend toutes choses, et il entend même les secrets, et il sait qu'est-ce qui est caché dans les cœurs, même si tu ne parles pas, il le sait ce qui est dans ton cœur. Et donc, il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire, ou pour lui transmettre, ou d'intermédiaire entre lui et ses adorateurs ou ses serviteurs. Ensuite, le cheikh il dit, « Amma stidlaluhum bi qawlihi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha alladhina amanu, taqullah, wabtaghu ilayhi alwasila, bi qawlihi, wa bi qawlihi, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ta'ayyuhum aqrab, fa'ayatan lam yarid minhuma ittikhad, ou lam yurid منهما اتخاذ وسائط بين الله وبين عباده وإنما معنى التوسل في اللغة التقرب يقال توسل إليه تقرب إليه ووسل إليه يعني قرب منه أو قرب منه والواسل اسم فاعل من وسل وهو المتقرب والوسيلة هي السبب والطريق الذي يوصل إلى الله والذي يوصل إلى الله طاعته سبحانه وتعالى وعبادته وما شرعه على ألسن أنبيائه ورسله هذه الوسيلة والمخلوق وإن كان له منزلة عند الله كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين والأولياء لكن الله لم يشرع لنا أن نسأل بمكانتهم ومنزلتهم عنده وإنما أمرنا أن نتوسل إليه بعملنا نحن لا بعمل غيرنا بأن نطيع الله ونتقرب إليه أما أن فلانا له عند الله مكانة له وجاه فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيء وهذا خاص بهم والله لم يشرع لنا أن نسأل بجاه أحد ولا بذات أحد ولا بمنزلة أحد عنده سبحانه كل هذا باطل هذا كله باطل. Le cheikh il dit ensuite, le fait qu'il utilise comme argument ou comme preuve le verset 35 dans Surat Al-Ma'ida, « Ô vous qui avez cru craignez Allah et cherchez un moyen vers lui » et le verset 57 dans Surat Al-Isra, ceux-là sont ceux qui recherchent un moyen, hein, ceux-là sont ceux qui invoquent et qui cherchent un moyen vers leur Seigneur, hein, lequel d'entre eux va être le plus près. Donc, ils invoquent des êtres, des créatures, qui eux-mêmes sont en train d'essayer de chercher un moyen de se rapprocher à Allah, et qui invoquent Allah eux-mêmes. Donc, comment vous invoquez des créatures qui elles-mêmes sont en train d'invoquer Allah et d'adorer Allah, et qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une contradiction. Et le cheikh, il dit que les deux versets, n'ont rien à voir avec le fait de prendre des intermédiaires entre nous et Allah dans l'adoration, mais la signification de at-tawassul dans la langue arabe, c'est de se rapprocher. Et donc quand tu dis tawassala ilayhi, ça veut dire qu'il s'est rapproché vers cette chose. Et donc wassala ilayhi, ça veut dire se rapprocher de une chose quelconque. Et donc al-wasil, c'est celui qui se rapproche dans la langue arabe. Et le mot wasila en arabe, Abdel Hakim, le mot wasila, ça veut dire un moyen d'arriver à te rapprocher à quelque chose, ou bien une façon ou une voie qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, celui qui amène, qu'est-ce qui amène à Allah, et c'est quoi le moyen qui nous ramène à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est l'obéissance. C'est l'obéissance et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de suivre ce qui a été légiféré pour nous par la langue des, par l'intermédiaire des prophètes et des messagers dans la transmission de la révélation. Voilà le moyen. Oui, dans la langue arabe, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Mais dans le sens religieux, dans l'adoration, c'est ça que ça signifie. Un moyen pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, wal makhlouq, wa in kana lahu manzila. C'est-à-dire, un être humain quelconque, même s'il a un niveau très élevé, comme par exemple, il fait partie des prophètes, ou il fait partie des messagers, même s'il a ce degré-là très élevé, parmi les hommes pieux, parmi les hommes saints qui sont très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur piété, de leur adoration, de leur crainte d'Allah et de leur science, malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par leur statut ou par leur niveau ou par leur degré qu'ils ont auprès d'Allah. Ok? Allah nous a uniquement demandé ou ordonné de chercher un moyen vers lui par nos actions, à nous, et non pas les actions d'autres que nous. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un, fais la prière pour moi, moi je vais rester assis chez moi. Hein? Ou bien, sois pieux toi, puis moi je vais, sois pieux pour moi, moi je ne vais pas faire des actes de piété. Si quelqu'un dit ça, c'est sûr que ce n'est pas correct, ça ne va pas être accepté d'Allah. Donc quand tu dis par exemple, oh Allah, je te demande par ton serviteur pieux, ou par un tel prophète, ou par un tel et un tel. Quand tu fais ça en réalité, c'est comme si tu essayais de demander à Allah par les actions de quelqu'un d'autre. Et que toi, tu disais, moi, j'ai pas besoin d'arriver à ce niveau-là, ou bien d'essayer de faire des efforts pour être meilleur, et pour demander à Allah par mes actions à moi, je vais demander par les actions de quelqu'un d'autre. Et ça, bien entendu, c'est pas acceptable, c'est pas permis. C'est pas quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ordonné par Allah de faire des choses comme ça. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, Allah nous a uniquement demandé ou ordonné de chercher un moyen de se rapprocher à lui par nos actions à nous, non pas les actions de quelqu'un d'autre. Et il nous a ordonné de l'obéir, hein, d'obéir à Allah et de nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de dire par exemple, un tel parmi les serviteurs d'Allah, il a un statut et il est très élevé, il est très près d'Allah, ça ne fait pas partie de nos actions à nous, et nous on n'a aucune part dans ça, dans ces actions-là, d'accord? Et donc c'est très important de comprendre ça. Ça, leurs actions qu'ils ont fait, ces hommes pieux-là, c'est des actions qu'ils ont faites pour eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donc permis ou légiféré qu'on a le droit de demander à Allah par le statut de quiconque, ou par la personne d'un tel ou un tel, ou par son niveau, ou par son degré auprès d'Allah. Donc on n'a pas le droit de faire ce genre de choses-là. Tout ça c'est quelque chose de totalement faux. Et ça c'est important de comprendre, parce que ça c'est ce que les soufis prétendent. Parmi les gens de l'égarement, ils prétendent que on peut demander à Allah par le prophète, ou par son statut, ou par son niveau très élevé auprès d'Allah et tout ça. Et ils rapportent même à ce sujet-là une série de hadiths qui sont toutes faux et fabriqués, qui ne sont pas authentiques. Et donc, quelqu'un qui entend ces hadiths-là, parce que les soufis, ils basent souvent leur religion soit sur les rêves, ou soit sur les hadiths qui sont fabriqués. Donc quand tu parles avec eux, ils te disent « ouais, mais ça, ça fait partie de l'islam, ou ça fait partie de la sunna », et ils te sortent des hadiths, et les hadiths qu'ils sortent, bien entendu, sont des hadiths qui sont rejetés par les savants de hadith. D'accord ? Donc, c'est très important justement de faire attention à l'égard de ces gens-là. Le cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, il a écrit un livre justement sur ce sujet-là. Ça s'appelle Tawdih al-Ishara ila firrad ala man firrad ala man ajaza al-mamnu' min al-ziyara. C'est-à-dire la clarification au sujet de, en fait, c'est une réfutation de ceux qui essaient de rendre halal ce qui a été interdit par rapport à la visite des tombes. Et dans ce livre-là également, il réfute tout ce qui a été mentionné par les Qouburiyyin et par les gens qui adorent les tombes de shubuhat et de soi-disant semblants de preuves qu'ils essaient de présenter pour justifier ces actes qu'ils font. Et le cheikh les a réfutés une à une, et le livre, il a, comme je pense, environ 400-500 pages. Donc c'est assez volumineux, mais c'est très détaillé, la recherche est très détaillée et très approfondie. Donc c'est un livre très intéressant, et bien entendu, c'est pas possible de faire un cours sur ce livre-là parce qu'il est trop gros, mais on pourra quand même essayer, Inch'Allah, de le traduire, ou bien d'en traduire une partie pour résumer un peu les points intéressants qui sont dedans, un séjour, Inch'Allah. Al-Qubouri, hein, Qubouriyoun. Qubouriyoun, ça vient de Qabr. Qubour, c'est le pluriel de Qabr, et Qabr, ça veut dire une tombe. Al-Qubouri, c'est celui qui adore les tombes. Et le pluriel de Qubouri, c'est Qubouriyoun. On dit ceux qui adorent les adorateurs de tombes. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. D'accord. Donc le cheikh, il explique que, comme on a dit, que tout ça c'est faux de demander par la personne d'un homme pieux. Il dit وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَسِيلَةَ الْمَذْكُورَ فِي الْقُرْآنِ هِيَ الطَّاعَةَ وَهِيَ الَّتِي تُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ وَتُدْنِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّ اتِّخَاذَ الْوَصَائِطِ مِنَ الْخَلْقِ بين الله وبين عباده بين الله وبين عباده لم يشرعه الله ولا رسوله وجب علينا التقرب إلى الله بطاعته والتوسل بالخلق إن صحبه شيء من التقرب إلى المخلوق كالذبح له والنذر له صار شركا أكبر وإن لم يصحبه شيء من التقرب إلى المخلوق وإنما هو مجرد توسط بالجاه ونحوه فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك كالسؤال بالجاه والسؤال بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بمنزلة النبي أو بالنبي ذاته فهذا يعتبر بدعة في الدعاء ولم يشرعها الله وهي وسيلة من وسائل الشرك لأنه إذا بدأ يتوسل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقه عند الله فإنه يتدرج إلى أن يعبد هذا المخلوق مثل ما حصل للمشركين قديما وحديثا حيث بدأت مسألتهم من مجرد التوسل وانتهت بالشرك الأكبر المخرج من الملة Le cheikh il dit, et ça c'est très important de faire la distinction et faire les nuances au sujet de tawassul, parce que c'est pas toutes les formes de tawassul qui sont pareilles. Il y a des catégories de tawassul qui sont permises, il y a des catégories de tawassul qui sont interdites, et il y a des catégories de, parmi les catégories de tawassul qui sont interdites, il y en a qui sont shirk majeurs, et il y en a d'autres qui ne sont pas shirk majeurs, qui sont shirk mineurs, ou qui sont bid'ah. D'accord? Donc il faut bien distinguer chacune d'entre ces catégories-là pour être capable de distinguer entre elles et de ne pas tomber dans des extrémismes. à ce sujet-là, et pour être capable aussi de réfuter les gens qui appellent à l'adoration des tombes et à l'intercession des morts, en leur donnant les clarifications et les preuves claires à ce sujet-là, pour pas juste mettre tout le monde dans, dans un seul, le même bloc, il faut bien spécifier. Donc le cheikh il dit que si on a bien compris les versets qu'on a mentionnés dans le Coran et les hadiths et tout, on va comprendre que de prendre un moyen, de chercher une wasila vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie de l'adorer et de l'obéir. Et que c'est par ce moyen-là seulement que tu es capable de te rapprocher d'Allah. Et de prendre des intercesseurs, des intermédiaires entre le Créateur et la créature, ça c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et que Allah n'a pas légiféré, ni son messager. Et c'est donc obligatoire pour nous de se rapprocher par, uniquement, à, de se rapprocher à Allah uniquement par son adoration et par son obéissance. Et non pas par des intermédiaires. Donc le cheikh il dit que si tu prends un, si tu fais le tawassul par une créature et que tu mets avec ça une acte quelconque d'adoration ou de rapprochement pour la créature en même temps, alors là, comme par exemple, tu cherches un intermédiaire pour te rapprocher à Allah, puis tu adores cet intermédiaire-là, ou tu te rapproches à cet intermédiaire-là, en faisant des actes d'adoration, comme par exemple, en sacrifiant ou en égorgeant un animal pour cet intermédiaire-là, ou pour un saint, ou pour un wali, ou bien en faisant un serment ou un vœu pieux pour ce saint et ce wali, hein. Donc ça c'est des formes de shirk majeur. Ou bien si tu demandes directement à ce wali de t'aider ou de venir à ton secours dans les moments de détresse, ça c'est des formes de shirk majeur également. Et en particulier si c'est un homme qui est mort, hein, s'il n'est pas vivant. Et si, c'est dans des choses que seul Allah est capable de faire. Dans des choses comme ça, ça c'est des shirk majeur qui fait quitter quelqu'un l'islam. Mais si quelqu'un fait le tawassul et qu'il cherche l'intercession ou qu'il prend pour intermédiaire une créature sans faire d'acte de rapprochement ou d'adoration pour cet intercesseur-là, hein, c'est-à-dire il demande à Allah par cet être-là, c'est-à-dire il ne demande pas à l'être elle-même, à l'être humain ou aux morts directement, mais il demande à Allah directement, par le niveau, ou par le statut, ou par cet être-là, hein, comme par exemple les chrétiens quand ils prient à Dieu, ils disent au nom de Jésus, ou par Jésus, ou pour Jésus, hein, ils passent par Jésus, ils mentionnent le nom de Jésus. Ou bien, quelqu'un va demander parmi les soufis, hein, oh Allah, je te demande par ton prophète, ou par le statut élevé de ton prophète, ou par le statut élevé des hommes pieux, ainsi de suite. S'il fait ça, sans offrir d'adoration à ces êtres-là qui sont morts, dans ce cas-là, ce n'est pas un shirk majeur qui fait sortir de l'islam, mais c'est uniquement une bid'ah, une forme d'innovation, et c'est un moyen vers le shirk, donc c'est une forme de shirk mineur, mais ce n'est pas quelque chose qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Ok? Donc il faut bien séparer entre ces deux catégories-là. Donc le shirk, il dit que si la personne demande par le statut d'un homme pieux, ou par son niveau, ou par son droit, hein, par le droit du prophète, ou par le niveau du prophète, ou par le degré du prophète, ou par l'être lui-même, c'est-à-dire par le prophète lui-même, donc ça c'est toutes des formes de bid'ah qui peuvent amener quelqu'un à tomber dans le shirk à la longue. Ben, Bijah Nabi par je demande, c'est pas, ben, pour, ça voudrait dire pour le prophète. Si tu demandes pour le prophète, tu demandes à Allah pour le prophète, c'est autre chose. C'est comme si tu demandes à Allah pardon pour le prophète, ça veut dire que tu demandes que Allah le pardonne. Mais si tu dis par, c'est-à-dire, yani bi, yani av, c'est-à-dire, c'est comme si tu disais, tu demandes à Allah avec le niveau de cet être-là, ou par son niveau, parce que lui, parce que le prophète à ce niveau-là, donne-moi, telle ou telle, telle chose. Et ça, bien entendu, c'est une bid'a. Il n'y a jamais aucun des sahaba qui a jamais fait ça. Le prophète ne nous a pas enseigné de faire ça. Et même les prophètes d'avant, ils n'ont jamais utilisé cette méthode-là. Ils nous ont seulement demandé d'adorer Dieu directement. D'accord ? Mais pas, t'as pas le droit de faire le tawassul par une créature, mais par les noms d'Allah, oui. Par tes actions que t'as fait ou par ta foi, oui. Mais pas par, une personne ou un être humain ou par son niveau ou son statut. Oui, par un dua, c'est ça, par le dua d'un être humain qui est vivant. Ça, le cheikh, il le mentionne à la page suivante. On va l'expliquer dans quelques instants, inshallah. Donc, le cheikh, il dit, فَهَذَا يُعْتَبَرُ بِدْعَةً. Il dit, ça, c'est une bid'a, Allah ne l'a jamais légiféré. Et ça fait partie des moyens qui amènent au shirk de demander par une créature ou par son statut. Et لأنه إذا بدأ يتوسل بجاه المخلوق. Donc quand quelqu'un commence à chercher l'intercession ou de passer par le statut d'un être humain pour demander à Allah ou par son degré, il demande à Allah par son degré ou par son droit ou par son statut, alors ça peut amener quelqu'un graduellement à tomber dans l'adoration de cette créature-là. Et c'est ça ce qui est arrivé aux mouchriquines dans le passé, et c'est ça ce qui arrive encore aujourd'hui, hein. Et donc le cheikh, il dit que le shirk, il a commencé dans l'histoire de l'humanité, il a commencé justement de cette façon-là. Il a commencé par le tawassul qui était fait par les êtres pieux, et c'est devenu graduellement de plus en plus grave jusqu'à ce que ça devienne une forme de shirk majeur où les hommes demandent prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Et bien entendu, ça c'est des formes de shirk majeur que Allah nous en protège et nous en épargne. Ensuite, le cheikh il dit وَقَدْ تَعَلَّقَ بَعْدَ الْمُغَالِقِينَ بِكَلِمَةٍ جاءت في بعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال إن التوسل من وسائل الفقه من مسائل الفقه فضل إن التوسل من مسائل الفقه والاجتهاد التي لا إنكار فيها هذا قالوه هذا هكذا قالوا ونسبوه إلى الشيخ والواقع أن الشيخ رحمه الله فصل فقال إن التوسل الخالي من عبادة المتوسل به من عبادة المتوسل به وإنما هو توسل بحق الشخص أو بجاهه فهذا بدعة وليس بالشرك أما التوسل الذي معناه التقرب إلى المتوسل به بالذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع العبادة فهذا شرك أكبر هذا معنى ما قاله الشيخ وهو ما قرره المحققون من أهل العلم وليس المراد أن التوسل كله من مسائل الفقه ولكن منه ما هو شرك أكبر وهذا باب عظيم لأن هذه الشبهة ضل بها أكثر الخلق قديما وحديثا لأنهم لم يفرقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. Donc le cheikh il dit qu'il y a certaines personnes qui ont fait des erreurs au sujet d'une certaine citation qu'il rapporte de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ils disent que qu'ils attribuent à l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab la parole suivante, que le tawassul fait partie des questions de fiqh et d'ijtihad, et qu'on n'a pas le droit de dénoncer ou de faire l'inkar dans ces questions-là. Et le cheikh il dit, l'inkar ça veut dire tu dénonces cette chose-là et que tu dis à quelqu'un ça c'est pas correct ou c'est pas permis de le faire. Le cheikh il dit, ça c'est ce qu'ils ont attribué au cheikh. Et le cheikh il dit, en réalité le cheikh il a détaillé dans cette question-là. Parce que ça, là, souvent, il y a des gens qui disent ça. Par exemple, certains parmi les Ikhwan, comme Hassan al-Banna, et il y a aussi Al-Hudaybi et d'autres parmi les Ikhwan qui ont dit des paroles de ce genre, ils disent que les questions de tawassul sont des questions qui ont rapport avec le fiqh et que ce ne sont pas des questions qui sont reliées à la aqida, et donc il ne faut pas en faire une question de division entre les musulmans ou de inkar et se dénoncer les uns les autres à ce sujet-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il répond justement à ce sujet-là et il dit non, il faut détailler à ce sujet, sur cette question-là, c'est pas tout ce qui a rapport avec le tawassul qui rentre dans les questions de fiqh. Il y a des questions à ce sujet-là qui rentrent dans l'aqida et dans le tawhid, et qu'il y en a qui, il y a des catégories qui rentrent même, qui font partie du shirk majeur. Et donc il faut distinguer entre les différentes formes de tawassul justement, parce que c'est pas vrai que ça fait juste partie des divergences qui existent dans l'ijtihad et dans le fiqh. Et le cheikh il dit par exemple que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a clarifié cette question-là et il a dit, si le tawassul est exempt de toute forme d'adoration pour la personne qu'on prend comme un moyen, hein, comme par exemple quelqu'un qui fait le tawassul, il prend un intermédiaire, en intermédiaire quelqu'un, en demandant à Allah par le droit de telle personne ou par son statut, dans ce cas-là, ça c'est une bid'ah et ça ne rentre pas dans le shirk. Mais si c'est yani, ou bien c'est un shirk mineur dans le sens que ça t'amène au shirk, mais c'est pas un shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Et il dit, mais si c'est un tawassul qui signifie de se rapprocher à l'intermédiaire lui-même que tu prends pour t'amener à Allah en égorgeant pour lui ou en faisant des serments et des vœux, hein, pour lui et en demandant des faveurs, alors dans ce cas-là, ça c'est une forme d'adoration et donc ça devient une forme de shirk majeur qui fait quitter quelqu'un la religion et l'islam. Et donc c'est pour ça que il ne faut pas faire comme certains qui disent que ça c'est une parole que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit que ça fait partie des questions d'ijtihad et des questions de fiqh. Non, il faut détailler à ce sujet-là parce que les savants ont spécifié, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a dit lui-même et comme d'autres savants parmi les vérificateurs ont clarifié, hein, que ça ne veut pas dire que le tawassul tout en entier fait partie des questions de fiqh. Il y a également parmi ces catégories-là des catégories qui rentrent dans le shirk majeur. وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ. Ça c'est une question très importante et un chapitre très important, et à cause de cette shubha, beaucoup de créatures sont tombées dans l'égarement dans le passé et dans le temps présent, et c'est pour ça que la raison pourquoi ils sont tombés dans cet égarement-là, c'est parce qu'ils n'ont pas distingué entre le moyen qui est permis et le moyen qui est interdit pour se rapprocher d'Allah. فالتوسل على قسمين. التوسل ممنوع. توسل ممنوع وهو التوسل بجاه المخلوق أو بحق المخلوق وبمنزلته أو بذاته، وهو إما شرك وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما التوسل المشروع فهو الذي جاء في القرآن والسنة ذكره من الأمر به، وذلك ومن ذلك الآية الكريمة التي صدر بها الشيخ هذا الباب، الشيخ الذي صدر بها الشيخ هذا الباب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل المشروع أنواع. النوع الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، تقول يا رحمن يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا غني اغنني، وهكذا تذكر في دعائك كل اسم يناسب حاجتك، ولا يناسب أنك تأتي باسم غير مناسب لحاجتك، فلا تقول اللهم اغفر لي لأنك شديد العقاب. Donc le cheikh il explique qu'il y a deux catégories de tawassul. Une forme de tawassul qui est interdite, et c'est le tawassul par le statut d'une créature, ou par son droit, ou par son niveau, ou bien par sa personne, parce que c'est soit que c'est shirk, ou bien que c'est une bid'a qui amène au shirk. Et il y a l'autre catégorie de tawassul qui est interdite, il y a une autre catégorie de tawassul qui est permise, et c'est le tawassul qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, dans le verset par lequel le cheikh a commencé ce chapitre, c'est-à-dire, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Donc, invoquez-le par ces noms-là. Donc, le cheikh, il dit, que le tawassul qui est permis dans l'islam, il est divisé en plusieurs catégories. Et le cheikh, il en a mentionné trois. Certains savants en mentionnent quatre, mais, trois, ça renferme ou ça englobe tout également. Le cheikh, il dit, la première catégorie, c'est le fait de faire le tawassul par les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quand tu vas invoquer Allah, tu vas dire, oh, toi qui es miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Rahman, irhamni. Ou bien tu dis, oh, toi qui es pardonneur, pardonne-moi. Ya Ghafur, irfirli. Ou bien, toi qui es celui qui accepte la repentance de ses serviteurs, accepte ma repentance. Ya Tawwab, tub alayya. Ou bien, oh, toi qui es riche, donne-moi la richesse. Ainsi de suite. Et le cheikh, il dit que c'est pas correct que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, puis que tu lui demandes par un nom qui ne correspond pas à ce que tu as besoin. Comme par exemple, si tu veux que Allah te pardonne, tu vas pas dire, oh Allah, pardonne-moi parce que tu es le dur en châtiment. Ça correspond pas, ça convient pas. Donc quand tu veux le pardon, tu demandes Allah par son nom pour faire en sorte qu'il te pardonne. Et tu demandes donc par le nom qui correspond à qu'est-ce que tu veux de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit également wa an-naw'u ath-thani at-tawassul ila Allah jalla wa ala bidu'a as-salihin. Idha kana hunaka salihun min as-salihin hayyun mawjudun ta'ti ilayhi wa taqul ud'u Allah li an yaghfira li aw an yarzuqani li an yashfini aw an yashfini aw إذا قحط الناس أو قحط الناس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله تعالى لهم بالغيث فهذا مشروع وقد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا وإنا نستسقي بعم رسولك قم يا عباس فادعوا فيدعو العباس والناس يؤمنون وهذا توسل بدعاء الصالحين وكما توسل معاوية رضي الله عنه بيزيد الجرشي وغيرهم أما الميت فلا يجوز أن تطلب منه شيئا فلا يجوز أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين وتقول ادعوا الله لنا لأن الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنهم لما أجدبوا وما بينهم وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمطار ما ذهبوا إليه وإنما طلبوا من العباس لأن العباس حي حاضر يستطيع أن يدعو أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ميت ولا يجوز أن يطلب من الميت شيء من الدعاء لا شيء لا دعاء ولا غيره. Donc le cheikh il dit, النوع الثاني, la deuxième catégorie de tawassul qui est permis dans l'islam, c'est de faire le tawassul par le dua des hommes pieux, c'est-à-dire que pas de faire le dua par la personne d'un homme pieux, par son statut ou son degré, comme par exemple tu dis oh Allah donne-moi quelque chose parce que ou par le degré d'un tel homme qui était pieux, mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple tu lui dis oh Allah, ou bien non, le dua par les hommes pieux ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas demander à un homme qui est pieux de faire des doigts pour toi à Allah. Comme par exemple, tu vas voir quelqu'un qui est quelqu'un que tu considères comme étant un bon musulman, un bon croyant, et tu lui demandes d'invoquer Allah pour toi. Comme si tu lui dis, invoque Allah pour qu'il me pardonne, ou demande à Allah pour qu'il me donne le risque, ou demande à Allah pour qu'il me guérisse. Donc, lorsque les gens, par exemple, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avaient besoin de la pluie, ils allaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le dua à Allah pour que Allah fasse tomber la pluie pour eux. Puis, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient demander aux hommes qui étaient pieux de leur époque. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, par exemple, ils disaient, yani, il disait comme Omar ibn al-Khattab à l'époque, il y avait une sécheresse et il voulait demander la pluie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on te demande, oh Allah, par le dua de Al-Abbas, par l'invocation de Al-Abbas, c'est-à-dire l'oncle du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Omar ibn al-Khattab, il disait, à l'époque, on te demandait par notre prophète et tu nous donnais de la pluie. Et aujourd'hui, on te demande par l'oncle de ton prophète ou de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il disait, lève-toi au Abbas et invoque. Alors, il se levait, Al-Abbas se levait et les hommes, les gens faisaient le Amin, quand Abbas faisait son doua. Oui, le père d'Abdullah ibn Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit ça, c'est une forme de tawassul qui est permis, et c'est de faire le tawassul, de chercher un moyen de plaire à Allah, et d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant l'invocation des hommes pieux. Comme par exemple, lorsqu'il y avait une sécheresse également à l'époque de Muawiyah, Muawiyah il a demandé à Yazid al-Jurashi de faire le dua pour demander la pluie. Donc le cheikh il dit, ça c'est permis, si l'homme à qui tu demandes de faire des invocations pour Allah, c'est-à-dire tu demandes à quelqu'un de faire des doigts pour toi, à condition, c'est permis à condition qu'il soit présent et qu'il soit vivant. Mais si c'est quelqu'un qui est mort, dans ce cas-là c'est pas permis. Donc c'est pas permis d'aller à la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à la tombe d'un autre parmi les hommes pieux, puis que tu lui dises, invoque Allah pour nous. Parce que la preuve, c'est que les sahaba, ils étaient là, vivants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa tombe à quelques mètres d'eux. Et s'ils auraient vraiment cru que c'était permis de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après sa mort, ils seraient allés à sa tombe pour demander de la pluie, et ils ne seraient pas partis demander à son oncle, Al-Abbas. Parce que Al-Abbas, il n'est pas plus pieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Mais ils ont laissé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont demandé à l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Al-Abbas il est vivant, il est présent, il est capable de faire des doigts pour eux, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il était mort, il n'était pas permis pour eux de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi que ce soit, ni dua, ni autre chose. Il y a des hadiths qui mentionnent ça, mais ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Il n'y a aucun hadith authentique qui mentionne la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths qui parlent de ça sont des hadiths soit fabriqué ou soit faible. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité de visiter sa mosquée, mais pas de visiter la tombe, d'accord? Donc le but de visiter c'est de visiter la mosquée et non pas la tombe. Et en visitant la mosquée, en même temps, tu en profites pour faire le salam au prophète et aux sahaba qui sont enterrés là-bas, comme tu le fais pour tous les croyants, quand tu passes près de la tombe, mais pas d'aller avec l'intention de visiter la tombe, parce que ça fait pas partie de l'islam, de vouloir par exemple faire des grands voyages, ou des excursions, ou des pèlerinages aux tombes, hein. Et bien entendu, d'aller visiter les tombes, c'est quelque chose qui est encouragé par l'islam, mais pas d'aller à une tombe qui est à des kilomètres ou à des jours et des jours de distance juste pour aller, oui, juste pour ça, pour faire des adorations à cette tombe-là. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tashuddu rihal, illa ila thalathati masajid. C'est-à-dire, n'allez pas faire des voyages, pour aller visiter excepté trois mosquées. Et donc c'est la mosquée à la Mecque, la mosquée la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et la mosquée à Qudsi, yani à l'Aqsa. Et ça c'est les trois mosquées qu'on a le droit de visiter. Maintenant il y a des soufis qui disent mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des voyages pour visiter des mosquées. Nous on va pas visiter de mosquées, on va visiter des tombes. Et ça les réfute en fait, parce que le but, pourquoi ils vont visiter ces tombes-là, c'est pour faire des actes d'adoration. Et donc, le hadith, il nous explique, en fait, qu'on n'a pas le droit de faire des voyages vers un endroit pour faire des actes d'adoration, excepté, en particulier, excepté pour aller dans ces trois mosquées-là. Sinon, tu pries dans ta mosquée de ton quartier, ou près de chez toi. Tu ne vas pas aller dans une mosquée à des kilomètres, ou faire des voyages pour aller dans une mosquée en particulier, parce que si tu fais ça, c'est parce que tu crois que cette mosquée-là, elle a quelque chose en particulier, qu'elle a une valeur ou quelque chose de spécial. Et pour dire qu'elle a quelque chose de spécial ou une valeur spéciale, il faut une preuve du Coran ou de la Sunna. Et il n'y a pas de preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qu'une mosquée a un mérite spécifique ou une valeur spéciale autre que les trois mosquées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées dans le hadith. D'accord ? Non. Non, les ulama ils ont dit, s'il y a une mosquée où il y a des gens de bid'a qui prient dedans, et que tu sais qu'ailleurs, plus loin, il y a une autre mosquée qui est une mosquée où les gens sont sur la sunna, c'est préférable d'aller dans la mosquée où il y a les gens qui sont sur la sunna, et de ne pas prier dans la mosquée des gens où il y a la bid'a. Mais toutefois, si tu vas prier dans la mosquée où il y a les gens de bid'a, parce que c'est près et que la mosquée, l'heure de la prière est proche, tu pries, puis tu fais ta prière, puis tu t'en vas. Tu ne vas pas rester. Tant que leur bid'a n'arrive pas au degré de shirk majeur ou de kufr majeur, tu as le droit, dans ce cas-là, d'aller faire ta prière, de prier derrière un imam qui est innovateur. Ta prière va être valable. C'est juste si il fait une bid'a qui arrive au niveau de shirk ou de kufr, dans ce cas-là, tu ne dois pas aller prier derrière cet imam-là. Comme si tu sais que cet imam-là, il pratique la sorcellerie, ou bien qu'il croit en les saints ou les morts, il les invoque en dehors d'Allah, ou qu'il sacrifie pour les tombes, ou bien il croit en l'astrologie, ou des choses de ce genre, tu sais de lui des choses comme ça avec certitude, alors dans ce cas-là, non, tu ne peux pas prier derrière lui. Naam, wallahu a'lam. Non, ça c'est... Oui, ça c'est pas correct. Comme tu dis, Harry, y a des gens comme ça, ils vont chez des personnes spécifiques, ils croient que ces hommes-là sont des hommes qui ont certains dons ou certaines qualités ou quoi, et ils vont chez eux et demander à eux en particulier de faire des doigts pour eux, et ils vont même mettre une confiance absolue 100% sur ces personnes-là et non en Allah. Et ils vont même parfois donner de l'argent à ces gens-là pour qu'ils fassent des invocations pour eux. Et ces gens-là, ils vivent de ça en fait. Et il y en a comme ça à Montréal même, j'en ai rencontré. Et il faut bien comprendre que ça, non, ça c'est pas permis dans l'islam et que c'est grave et que ça peut même rentrer dans une catégorie de shirk. Parce que le fait que tu mettes ta confiance en ces êtres-là, et que tu crois que c'est eux qui ont le pouvoir, ou bien que Allah va accepter absolument leurs invocations, ça peut rentrer dans des choses très graves dans l'aqidah. Il faut faire attention. Ok? Et donc, il faut demander à quelqu'un qu'on considère comme étant pieux. Souvent, c'est même pas le cas de ces gens-là, c'est des gens qui ont des aqidah soufia, qui croient en toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam, ou qui défendent toutes sortes de bid'a et des garments. Donc, ces gens-là ne font pas partie des gens de qui on peut souhaiter que Allah les exauce ou quoi que ce soit. Des fois même, ce sont des gens qui font de la sorcellerie ou toutes sortes de formes des médiums, des gens qui prétendent, marabouts, qui prétendent connaître l'invisible, et qui font même, il y en a un à Montréal même, supposément on disait de lui qu'il était le gourou de Jacques Chirac, et que avant que Jacques Chirac rentre dans les élections, il allait le voir, et que, c'est un Mauritanien. Et quand il est venu à Montréal, Jacques Chirac, supposément, il a pris 3 jours justement pour aller le voir là où il était, ici à Montréal, quand il est venu à Montréal. Donc c'est pour dire que, il s'appelle Weldon Cole, je ne sais pas si vous le connaissez en tout cas, c'est un gars qui prétend connaître l'avenir et des trucs comme ça. Là il est à Montréal, depuis plusieurs années même. Il prie à Sunna. Oui, il prie à Sunna. Avec le bobo là. Toujours. C'est ça. C'est déjà comme ça, ils croient en ces choses-là. De Jean Talon. Oui, il habite sur Jean Talon, oui. Donc lui, c'est ça. Il y a des, tu vois, les Africains, les frères africains, les Sénégalais et d'autres, ils rentrent chez lui un après l'autre, comme ça, aller demander des choses, là, je sais pas quoi. Allah Mustaan. Donc c'est ça, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, des Dajjalines, des fois là. Il faut faire attention. Ensuite, donc le cheikh il dit que. Donc, attends, où est-ce qu'on était rendu? Oui, le cheikh, donc, il dit que on peut demander à quelqu'un qui est présent, qui est vivant, de faire des doigts pour nous, mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est absent. Donc, ça, ce n'est pas permis. Un spécialiste. Quand je dis quelqu'un qui est présent, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans un autre pays ou quelqu'un qui n'est pas à une autre ville, puis là tu l'appelles, tu dis aide-moi ou fais des doigts pour moi, dans une distance que la personne ne peut pas t'entendre, à moins que tu l'appelles au téléphone, que tu lui parles réellement, un email c'est correct, mais dans le sens que tu communiques avec lui, tu l'appelles comme ça, puis lui il ne peut pas t'entendre, puis il t'entend quand même, non, ça c'est pas permis. Et le troisième point, on va lire ça, puis après on va s'arrêter ici parce que on n'aura pas le temps de faire la fin du chapitre au complet. Mais bon, juste de terminer les catégories de tawassul. La dernière catégorie, c'est an-nawu ath-thalith, at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah, مثل حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم المخرج فكل منهم توسل إلى الله بالعمل الذي قدمه لله عز وجل ثم توسل بعفته عن الحرام نعم هذا توسل بعفته عن الحرام وهذا توسل ببره لوالديه وهذا توسل بأمانته وحفظه لحق الأجير الذي جاء وأعطاه إياه ففرج الله عنهم وكما قال تعالى وكما قال تعالى سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين توسلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل بالتوحيد أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت كما توسل ذو النون عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Donc le cheikh ici il dit quoi? Il dit que comme troisième catégorie de tawassul qui est permise dans l'islam, c'est de faire le tawassul par nos œuvres qui sont pieuses, des bonnes œuvres qu'on a faites. Donc par exemple, il y a un hadith qui est rapporté, que vous avez sûrement déjà entendu, et ce hadith-là, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte l'histoire de trois hommes qui se sont qui ont été enfermés dans une grotte. Et il y a une roche qui est venue tomber à l'entrée de la grotte, ils n'étaient plus capables de sortir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les libérer par une bonne action qu'ils avaient faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a un d'entre eux, il a demandé à Allah par sa chasteté, du fait qu'il s'était écarté de faire le zina. Donc, il a demandé à Allah par cette action-là qu'il avait faite. L'autre, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par le bon traitement qu'il avait envers ses deux parents. Et Allah a écarté un peu le rocher encore. Et le troisième, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il avait bien préservé le droit de la personne pour qui il travaillait, hein, pour son employé. Donc, à cause de ça, ils ont demandé à Allah, à cause de ces actions-là qu'ils avaient faites, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le rocher s'enlève complètement de l'entrée de la grotte, et donc ils ont été sauvés. Donc ça c'est des exemples de tawassul qu'on fait par nos bonnes œuvres. Également, on peut aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala par la foi en son prophète. Comme il mentionne dans le verset 193 dans sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne un dua. Il dit, ô notre Seigneur, on demande à Allah, ô notre Seigneur, nous avons entendu quelqu'un qui appelle, hein, à la foi, en disant, croyez en votre Seigneur, et on a cru. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et efface pour nous nos fautes et nos désobéissances. Et fais-nous mourir avec les pieux et avec les vertueux. On peut également demander à Allah subhanahu wa ta'ala par notre foi en son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le verset 53 dans sourate Al-Imran, ô notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as révélé et nous avons suivi le messager, alors écris-nous parmi les témoins. Et on peut également demander donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous exaucer par notre foi en son messager et du fait qu'on a suivi son messager, et aussi de demander à Allah par le tawhid, comme par exemple le dua quand on demande dans la sunna, oh Allah, on te demande, ou je te demande parce que tu es, parce que rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Oh Allah, je te demande à toi parce que rien ne mérite d'être adoré, excepté toi. Ou bien, comme Zunnoun, c'était Jonas, hein, Younes, qui avait fait le dua lorsqu'il était dans le ventre du poisson, il a dit, Fanada Fezulumat, il a invoqué dans les ténèbres du ventre du poisson, en disant, La ilaha illa anta, oh Allah, hein, c'est comme s'il disait, je te demande parce que rien ne mérite d'être adoré autre que toi, gloire à toi, j'ai ça été parmi le nombre des injustes. Donc ça c'est le verset 87 dans Sourate Al-Anbiya. Donc ça c'est des exemples de tawassul qui sont permis dans l'islam, qui font partie des formes de tawassul acceptables dans la charia d'Allah. Donc on va donc arrêter ici pour l'explication de ces catégories-là, et on continuera demain, inshallah, avec la suite de l'interprétation du verset qui est mentionné dans ce chapitre, et c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Alors, invoquez-le par ces noms. On va lire le tafsir, un petit tafsir résumé de ce verset-là, puisqu'on l'avait déjà expliqué dans un chapitre précédent. Donc, on va juste faire un petit rappel, puis on va faire un ou deux autres chapitres qui qui suivent dans ce livre. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.